Une attaque de goutte. Le lecteur est peut-être surpris de ce ton libre et presque amical. Nous avons oublié de dire que depuis 6 semaines, le marquis était retenu chez lui par une attaque de goutte. Mademoiselle de La Mole et sa mère étaient à Hyères, auprès de la mère de la marquise. Le comte Norbert ne voyait son père que des instants. Ils étaient fort bien l'un pour l'autre, mais n'avaient rien à se dire. Monsieur de La Mole, réduit à Julien, fut étonné de lui trouver des idées. Le marquis, irrité contre le temps présent, se fit lire Tite-Live. La traduction improvisée sur le texte latin l'amusait. Un jour, le marquis dit avec ce ton de politesse excessive qui souvent impatientait Julien « Permettez, mon cher Sorel, que je vous fasse cadeau d'un habit bleu. Vous serez, à mes yeux, le frère cadet du comte de Chaulnes, c'est-à-dire le fils de mon ami le vieux duc. » Julien ne comprenait pas trop de quoi il s'agissait. Le soir même, il essaya une visite en habit bleu. Le marquis le traita comme un égal. Cette idée singulière occupa Julien. « Se moquerait-il de moi ? » pensa-t-il. Le lendemain matin, Julien se présenta au marquis en habit noir. Il en fut reçu à l'ancienne manière. Le soir, en habit bleu, ce fut un ton tout différent et absolument aussi poli que la veille. « Puisque vous ne vous ennuyez pas trop dans les visites que vous avez la bonté de faire à un pauvre vieillard malade, lui dit le marquis, il faudrait lui parler de tous les petits incidents de votre vie, car il faut s'amuser, continua le marquis. Si j'avais Rivarol ici, auprès de ma chaise longue, tous les jours il m'ôterait 1 heure de souffrance et d'ennui. Je l'ai beaucoup connu à Hambourg pendant l'émigration. » Monsieur de La Mole, réduit à la société de ce petit abbé, voulut l'émoustiller. Il piqua d'honneur l'orgueil de Julien. Puisqu'on lui demandait la vérité, Julien résolut de tout dire, mais en taisant 2 choses, son admiration fanatique pour un nom qui donnait de l'humeur au marquis et la parfaite incrédulité qui n'allait pas trop bien à un futur curé. Ce fut l'époque d'une franchise parfaite dans les relations entre le maître et le protégé. Monsieur de La Mole s'intéressa à ce caractère singulier. L'attaque de goutte fut prolongée par les grands froids de l'hiver et dura 2 mois. « On s'attache bien à un bel épagneul, » se disait le marquis. « Pourquoi ai-je tant de honte de m'attacher à ce petit abbé? Il est original. Je le traite comme un fils. Eh bien, où est l'inconvénient ?» Une fois que le marquis eut compris le caractère ferme de son protégé, chaque jour il le chargeait de quelque nouvelle affaire. Julien avait pris un commis qui transcrivait les décisions relatives à chaque affaire sur un registre particulier. Ce registre recevait aussi la copie de toutes les lettres. Cette idée sembla d'abord le comble du ridicule et de l'ennui, mais en moins de 2 mois, le marquis en sentit les avantages. Ces mesures éclaircirent tellement aux yeux du marquis ses propres affaires qu'il put se donner le plaisir d'entreprendre 2 ou 3 nouvelles spéculations sans le secours de son prête-nom qui le volait. « Prenez 3 000 francs pour vous, » dit-il un jour à son jeune ministre. « Monsieur, ma conduite peut être calomniée. Que vous faut-il donc ? » reprit le marquis avec humeur. « Que vous veuillez bien prendre un arrêté et l'écrire de votre main sur le registre. » Le soir, lorsque Julien paraissait en habit bleu, il n'était jamais question d'affaires. Les bontés du marquis étaient si flatteuses pour l'amour-propre toujours souffrant de notre héros que, bientôt, malgré lui, il éprouva une sorte d'attachement pour ce vieillard aimable. « Je veux vous donner la croix que voilà, » lui dit le marquis. « Je ne veux pas vous faire quitter votre habit noir et je suis accoutumé au ton plus amusant que j'ai pris avec l'homme portant l'habit bleu. Jusqu'à nouvel ordre, entendez bien ceci. Quand je verrai cette croix, vous serez le fils cadet de mon ami le duc de Chaulnes, qui, sans s'en douter, est depuis 6 mois employé dans la diplomatie. » Cette croix mit à l'aise l'orgueil de Julien. Il parla beaucoup plus. Il se crut moins souvent offensé.